Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. On va parler des Aigles de Roberval avec notre ami Simon Gaudreau. On fait le tour. Il y a eu plusieurs matchs des deux équipes cette semaine. Salut Simon. Salut Daniel. Simon, on va commencer avec les matchs qui ont lieu au niveau Benjamin, verdict nul de 2-2 contre Chicoutimi. Raconte-moi ce match. Dans le fond, ça a été un très bon match. On a pu évaluer notre équipe aussi. On a pris les devants quand même tôt dans la rencontre, les gars étaient affamés. Mm. Puis plus le match avançait, plus on sentait que l'énergie diminuait. Fait que on a fait un petit constat qu'on manquait peut-être un petit peu de forme physique. On a pratiqué un petit peu moins aussi dans les dernières semaines, étant donné qu'il y avait eu des pédagogiques puis des trucs comme ça, ça tombait sur des journées de pratique. Fait qu'on avait, au lieu d'avoir des semaines de trois entraînements, on avait des semaines de deux. Donc là, cette semaine, on a vraiment une grosse semaine de hockey. Fait que j'ai bien hâte de voir. On a pratiqué mardi, on a joué mercredi, pratique aujourd'hui, pratique demain, on joue samedi contre Chicoutimi. Fait que l'effort est au rendez-vous, puis les tuyaux travaillent très fort. OK. Dans le match de 4-4 maintenant, nouveau cadet. Contre les Escapades, et vous avez perdu 7-1 également contre Samuel de Champé. Donc, le cadet, c'est un petit peu plus difficile. Au niveau du cadet, on n'a pas mis Estacade. C'était un bon match. Là, on aurait pu voir la victoire à la toute fin avec un échappé. Ça a passé très près. Le lendemain, c'était un petit peu l'indiscipline, je dirais, là, même dans les deux matchs, autant au niveau Estacade, le match à Estacade, puis Samuel de Champlain. Samuel de Champlain, c'est une équipe là, qu'on sentait quand même assez rodée depuis une couple d'années. Là, il était plus avancé que nous sur les systèmes de jeu. Il y avait exemple de l'attaque à 5 ou des trucs comme ça. Nous, on y va vraiment étape par étape. On suit notre processus. Et puis l'indiscipline nous a fait très mal. Puis c'est correct, ça fait partie de l'apprentissage. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vues encore, puis il n'y avait pas encore subi la défaite, eux, depuis le début de l'année. Ils avaient rien que des verdicts nuls. Fait que des fois, quand tout coule, ben, à un moment donné, ça te tape d'en face. Oui. Fait que c'est un petit peu ce qui est arrivé, exactement. OK. Et il y a eu deux autres matchs également qui au niveau cadet. Les deux autres matchs, au niveau juvénile. Les matchs juvéniles se sont joués à Thetford Mines, un programme double. Les jeunes sont partis très, très tôt le matin là, pour aller jouer le match là, en milieu d'après-midi à Thetford Mines. Ça s'est passé d'un verdict nul de 1-1. Un très bon match. On récoltait le point franc en jeu. On vivait de l'indiscipline dans les dernières semaines en juvénile. On a fait des rencontres. On est sorti de là avec un verdict nul, avec seulement 3 punitions. On était très contents, on était très satisfaits. On était vraiment sur la bonne voie. Et le lendemain, là, ils ont gagné leur première victoire de la saison 3-0 là-bas. Donc, ils sont venus un beau voyage de 5 points sur 6 pour eux. Mais au lieu de tout ça, c'est encore une fois le processus, la façon à laquelle ils se sont présentés, qu'ils ont travaillé tout le monde en équipe ensemble. Puis c'est surtout ça qu'on retient cette fin de semaine-là. OK. Hier, il y avait un match hier. Match sur semaine. L'équipe de Cardinal-Leroy en Benjamin, division 1, venait nous affronter ici à Roberval. C'était le deuxième match là, qui opposait les deux équipes à Roberval. La première fois de la saison, on avait perdu 5-1. Je dirais qu'on n'avait pas vraiment passé proche. Là. On avait une bonne deuxième période, mais deux périodes sur trois, on avait été empêchés dans notre territoire. Et puis hier, on a perdu en Benjamin 7-6. En fin de match, on a frappé un poteau. Donc, on a même pris les devants dans ce match-là. Ça a été extrêmement serré. Les joueurs ont compétitionné là, du début à la fin. Donc, on sent vraiment une belle progression là, de ce côté-là. Les jeunes ont vraiment soif d'apprendre. On est très contents. Y a-t-il eu beaucoup de matchs sur semaine? Ça arrive, là. Je voudrais qu'on pogne un calendrier. Alors, Benjamin, division 1, ça arrive peut-être un petit peu plus souvent, étant donné qu'il y a une équipe qui s'est cancellée à la dernière minute, là, à la fin août, là, il y a une équipe qui a abandonné le circuit. Donc, il a fallu replacer 5 matchs pendant la saison. Donc, c'est quand même difficile après que tout le monde ait tout le monde a cédulé le tournoi. Toutes les saisons avaient été cédulées. C'est quand même dur de retrouver des fins de semaine de lousse. Donc là, ça a été des matchs qui ont été plus replacés au niveau de la semaine. Donc, c'est un petit peu pour ça là, que cette équipe a un petit peu plus de matchs en sur semaine. OK. Donc, en fin de semaine, il se passe quoi? En fin de semaine, le Benjamin va jouer à Chicoutimi samedi. OK. Le cadet reçoit Cardinal Roy samedi, ainsi que le juvénile reçoit Cardinal Roy, et dimanche, le juvénile reçoit Séminaire Saint-François, deux équipes de la région du Québec là, qui viennent visiter en fin de semaine à Robertval. OK. Donc, c'est vraiment des matchs qui ont lieu en fin de semaine. On rappelle que l'entrée est gratuite. Est-ce que c'est réglé pour les matchs à Dolbeau? Est-ce qu'il va en avoir au moins un? Il n'y a rien de cédulé à ce moment-là. On a des matchs à Mastaillage, par contre, de cédulé, mais on n'a pas de match sur l'extérieur du territoire de cédulé pour l'instant. OK. Maintenant, je veux te parler, Simon, de l'article de Pascal Hudon. Il a parlé cette semaine à Pascal Hudon, évidemment, qui blâmait un peu le rôle des parents en ce qui concerne le hockey mineur. Tu as une vaste expérience, Simon, du hockey, du coaching également. Tu commences à en avoir vu, tu commences à avoir du vécu. Pascal est vraiment sur la coche quand il dit ça. Pardon? Pascal est vraiment sur la coche quand il parle de ça. Il est vraiment sur la coche quand il parle des parents, ce que les parents font dans les arénas. Ben, je veux dire, chaque jeune est différent. Chaque parent a une mentalité différente. C'est sûr et certain qu'on en entend beaucoup des choses qui se passent dans les arénas, puis c'est pas des choses que j'endosse non plus. Pour ma part, c'était un retour aussi là, dans le hockey mineur, si on veut, dans le hockey de plus basse catégorie. Là, on travaillait avec des professionnels. J'ai travaillé avec des professionnels depuis 4 ans. Puis on en voyait aussi là, des parents qui essaient de se mêler, des parents agents, qu'on appelait. On en voit encore que ça fait beaucoup plus de tort que ça peut aider leur jeunes, clairement. Donc, je vois personne qui en sort gagnant de s'investir de la sorte. Fait que c'est plus, les parents doivent plus se concentrer sur l'encouragement. Ils ont le droit de pas comprendre, ils ont le droit d'être mécontents, mais ils doivent faire les choses d'une certaine façon correcte. De payer maintenant leurs jeunes pour des buts ou des passes, je pense que ça l'enlève. On enlève tout le côté éthique du sport de ce côté-là. Mmh. C'est pas comme ça que. Mais tu sais, rendu là, c'est une façon. Une façon d'élever ses enfants aussi, donc c'est est-ce que c'est la bonne façon? Je suis qui pour juger? Moi, je pense pas, mais je ne suis pas parent non plus. Je pense pas que je m'en irais dans cette destination-là. Mm. Mais rendu là, c'est chaque famille est différente à ce point-là. Maintenant, moi, quand on a décidé, nous, de rencontrer les parents, quand on a fait les rencontres de parents, quand on a confirmé, quand on a retranché les joueurs, quand on leur a dit qu'ils poursuivaient l'aventure avec nous, j'ai toujours, toujours, toujours rencontré le jeune et les parents ensemble. Okay. Divorcés ou non divorcés. Donc, j'avais carte sur table avec eux. Je lui disais ce que j'aimais de le garçon ou de la fille. Je lui disais qu'est-ce que les points à améliorer, les choses qu'ils devaient travailler. Donc, j'évitais tous les cancans d'aréna. Ah, il m'a dit ci, ah, il m'a dit ça. Puis finalement, il n'y avait pas de parents là ou quoi que ce soit. Les jeunes, des fois, ne communique pas la bonne information à les parents, puis c'est là que ça fait boule de neige un petit peu. Donc, en étant transparent, l'information s'est rendue aux parents, s'est rendue aux jeunes, s'est rendue papa, maman. Donc, rendu là, on élimine tous les cancans d'aréna. Okay. Donc, je pense que ça a été très, très positif. On a essayé vraiment d'être transparent là-dedans. Je pense que en disant la vérité, puis la façon qu'on a procédé là, je pense que ça a été vraiment gagnant pour nous autres puis pour les familles aussi. Ah oui, c'est sûr. Mais puis dans le junior, ça doit être encore pire. Ben c'est différent. T'sais, là, tout le monde espère se rendre au niveau 3A, tout le monde espère se rendre au niveau 3A. Une fois qu'ils sont là, ben. T'es proche de la Ligue nationale, là. Mais il y en a qui un jour ils s'en rendent compte que c'est leur Ligue nationale. Puis ça cesse un petit peu. Mais Il y en a que là, le rêve devient encore plus grand, puis Steve Kim, il est rendu là, il a encore des chances. Puis il y en a de toutes sortes, là. Il y en a qui connaissent le hockey, il y en a qui c'est des anciens pros qui agissent comme ça. Donc, tu sais, il y en a qui. Il y a deux façons. Tu sais, il y en a qui. Comment c'est vrai bien ça? Il y en a qui veulent que leurs jeunes aient la même carrière qu'eux. Ouais. Puis il y en a qui rêvent. Il y en a qui ont manqué une carrière. Ils rêvent que les jeunes, dans le fond, ils veulent que leurs jeunes vivent leur rêve à eux. OK. Puis c'est de là que des fois les jeunes décrochent parce que, tu sais, le parent essaie de faire vivre son rêve à lui, à son jeune. C'est peut-être pas son rêve à lui au final. Ça crée une discorde, puis le jeune n'est pas bien là-dedans, mais pour plaire à ses parents, donc continue dans cet engrenage-là, mais pas heureux. Donc, c'est sûr. Ben, Simon, on se reparle jeudi prochain? Oui. Voilà, c'était la chronique des Aigles de Robertval.